la France doit préserver sa route et doit refuser de réduire son ambition africaine. Pourquoi le ferait-elle ? Elle représente pour une grande partie de votre continent africain un facteur incomparable d'équilibre et de progrès. Et l'Afrique, de son côté, a beaucoup donné à la France. Elle lui donne beaucoup d'amitié, je crois, aujourd'hui. Elle lui a donné aussi beaucoup de sacrifices. Des milliers de ses hommes. Et nous avons construit l'histoire ensemble. J'en appelle à ceux qui auront après moi la charge des affaires du pays. La France ne serait plus tout à fait elle-même aux yeux du monde si elle renonçait à être présente en Afrique aux côtés des Africains pour être à côté d'eux, oui, tout simplement, pour contribuer à construire un cadre de paix, de démocratie, de développement. Nous serons capables, mes successeurs, à travers le temps qui vient, plus tard encore, car c'est une affaire qui durera plus longtemps que chacun d'entre nous, le couple France-Afrique sera un couple fort. En décembre 1995, 8 mois après son élection à la présidence de la République, Jacques Chirac s'exprime à l'occasion d'un dîner à la veille du 6e sommet de la francophonie à Cotonou.